Ce matin, je pensais faire un retour ce matin avant de passer au dernier partage sur la communauté. Il y a des moments, puis il y a des temps. Hein? Et puis, tant que c'est Noël, ben, c'est pas le temps de parler de Pâques. Puis tant que c'est Pâques, c'est pas le temps de parler de Noël. Puis là, s'il arrive des événements comme tu es arrivé dernièrement avec le séisme, tu es arrivé en Haïti. Tu veux, s'il te plaît? Ce qui est arrivé avec le tremblement de terre en Haïti. Ce sont des événements, hein, des événements parfois qui marquent notre imagination, qui fait aussi que c'est correct. J'avance tout ça? Ah bon? OK. Ben, on verra tantôt. Je ne sais pas si vous avancez tout seul. J'allais dire, il y a des événements d'ici, hein, qui arrivent et puis qu'on ne peut pas passer à côté, hein, pas, mais que c'est bon de s'arrêter puis de penser à ces choses-là. Parce que Dieu veut qu'on s'incarne dans le monde. L'Église et nous, comme peuple de Dieu, on n'est pas un ghetto, hein? On ne vit pas à l'abri des choses qui se passent dans le monde. Puis on n'est pas non plus sans se poser des questions lorsqu'il arrive des événements comme ça. Puis on rencontre des gens aussi parfois qui nous posent des questions sur pourquoi, hein? Pourquoi ces événements-là. Justement, Daniel Villeneuve, il me parlait cette semaine de quelqu'un qu'il connaît, qui lui posait justement une question par rapport aux événements en Haïti, puis pourquoi ça arrive, t'sais? Et puis, j'ai dit à Daniel, ben invite-le, dis-lui de venir dimanche matin. Puis, de toute façon. Donc, il y a un questionnement parfois. Daniel, tu nous as envoyé cette semaine, je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, mais tu nous avais envoyé un fichier qui parlait d'Haïti. Puis le titre était « Haïti, Dieu et le mal ». Puis je me suis dit, tiens, c'est un bon titre, parce que je voulais parler, hein, du séisme, faire un retour sur le séisme qui est arrivé. Et puis, alors je me suis dit, ouais, c'est un bon titre, « Haïti, Dieu et le mal », mais ça pourrait être l'Indonésie, Dieu et le mal, ça pourrait être le Rwanda, Dieu et le mal, Montréal, Dieu et le mal, ouais. La mafia, Dieu et le mal, la collusion, Dieu et le mal. Ah, juste comme ça, juste vitement, quelle tragédie humaine de votre vivant, je ne parle pas de... Hein? Mais de votre vivant, quelle tragédie humaine vous a le plus bouleversé? Juste pour avoir votre idée. Le 911, World Trade Center, OK. Quelqu'un d'autre? Le Rwanda. Daniel, toi, tu dis le Rwanda aussi? Le Rwanda, parce que c'est l'homme qui a fait ça, c'est quoi? Parle plus fort. Le World Trade Center. Donc, vous voulez vous exprimer? Telle tragédie vous a le plus bouleversé. Hmm? OK. Présentement, ce qui se passe, on pense au Nigeria aussi, puis au Niger, puis ça continue. Des enfants soldats, oui. OK. Moi, je pense que le Rwanda. Le Rwanda, c'est peut-être moi aussi l'événement qui m'a le plus bouleversé, à cause que j'avais déjà visité le Rwanda. Et puis, je pouvais m'imaginer très bien ce qui se passait. Des gens que j'avais connus, que je ne sais pas, je pouvais m'imaginer qu'ils faisaient partie peut-être des victimes. En fait, c'est ça, hein? il y a des tragédies. Les prédicateurs, hein, ceux qui apportent la parole, hein, les prédicateurs ont deux tâches. Ou du moins, je pense que ce sont des tâches que nous avons. Une première tâche, c'est de déchiffrer et commenter des écritures. Hein? On parle souvent d'accompagnement. Hein? Je dis que nous sommes là afin d'accompagner les croyants dans leur marche avec Dieu, accompagner les chercheurs de Dieu. Fait que, notre première tâche, c'est de déchiffrer puis commenter les écritures et puis les mettre en lien avec les problèmes de la vie. Hein? Comment est-ce qu'on vit notre vie en fonction ou en référence avec Dieu? Ben, c'est ça. Hein? On est des gens qui vivons notre vie en référence à Dieu. C'est la grande différence entre nous et d'autres. Il y a des gens qui ne vivent pas leur vie en référence à Dieu. Ils ont d'autres références, ils ont d'autres valeurs. Mais nous, on vit notre vie en référence à Dieu. Donc, ma tâche, c'est de vous accompagner et puis de commenter les Écritures pour faire le lien entre les activités de la vie, notre vie, et puis comment que cela est relié avec notre désir d'être disciple de Jésus-Christ. Dans d'autres circonstances, notre tâche est de prendre des événements de la vie et de tenter de comprendre ces événements-là à la lumière des Écritures. Hein? Là, c'est l'inverse. Il y a des événements qui arrivent. Il y a un séisme, puisqu'on parle de 200, hein, plus de 200 000 morts. Le tsunami avait fait, j'ai vérifié sur l'Internet, on parle de 216 à 232 000 morts lors du tsunami en 2004. C'est des morts, ça, non? Hein? C'est des morts, 200 000. Le World Trade Center, on parle de 4 000, hein? 4-5 000. Évidemment, toutes les familles qui ont été affectées, c'est peut-être aussi, là, il y avait un symbolisme là-dedans aussi, là, qui était gros. Et puis, c'est des choses qui peuvent faire de sorte qu'on se pose des questions. Un instant. Oui, vraiment? Dans l'article, ce que je vais faire ce matin, je vais quand même citer plusieurs auteurs, alors qu'on on va réfléchir sur le problème du mal, la souffrance humaine. Où est Dieu là-dedans? Dieu et le mal. Je prends la famille d'Alphonse, hein, que vous avez subi beaucoup de mal, de souffrance au Congo. Et puis d'autres, hein, d'autres aussi. C'est quelque chose. Encore cette semaine, je parlais avec des amis haïtiens au téléphone et puis aussi bien que par Internet. Et puis la souffrance qui est là. J'imagine, il y a quelqu'un qui me dit, ben, je suis dans la rue, je vis dans la rue. Tu sais? Et puis, je sais très bien que ce n'est pas une personne adaptée à la rue, mais il vit dans la rue. Alors, on se pose des questions. Dans l'article que Daniel nous avait fait parvenir cette semaine, écrit par Jacques Gauthier, qui anime l'émission « Le jour du Seigneur », Jacques Gauthier citait Pascal, qui, je pense, c'est la bonne, j'espère avoir la bonne citation, non, je pense que je ne l'ai pas mis cette citation-là. Mais il citait Pascal, qui dit que l'être humain est un roseau pensant qui cherche du sens dans ce qu'il vit, d'où sa grandeur et sa fragilité. Hein? C'est ça l'être humain aussi, hein? On réfléchit à ce qui nous arrive. On pense. On se pose des questions. C'est une caractéristique, hein, d'être humain, d'être capable de réfléchir. Quelqu'un disait, hein, je pense donc je suis. Parce qu'on est, eh bien, on réfléchit puis on veut savoir le sens des choses. Donc, ces événements, des événements comme ça provoquent toujours un questionnement, on pourrait dire, hein, sur Dieu, sur le diable, le mal, la souffrance. Parce que ça nous rappelle en même temps, dans ces événements-là, là, on parle de catastrophes naturelles. Hein. Tantôt, on a mentionné des catastrophes, des événements causé par l'humain. Hein, le 9-1-1, c'était causé par des humains. Le Rwanda aussi. Mais là, c'est des catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre, comme un tsunami. Ça nous interpelle peut-être plus, ça nous touche, parce que ce sont des gens innocents, hein, qui sont victimes, dont des enfants. Peut-être dans ces événements-là aussi, nous sentons davantage notre impuissance face aux forces de la nature. Hein? On est impuissant. Puis on réalise notre fragilité. Combien on est si fragile. Et c'est sans exception. C'est le riche comme le pauvre. En Haïti, présentement, les riches sont dans la rue comme les pauvres sont dans la rue. Ce n'est pas juste les maisons des pauvres qui sont tombées. Même si, je dirais, c'est davantage les riches qui ont les gens qui étaient un petit peu plus à l'aise, qui avaient des maisons de ciment. Parce que le pauvre dans Cité Soleil, eux, n'ont tellement pas subi de... n'ont pas été victimes. Parce qu'ils vivent dans des maisons de tôle, avec des toits faites avec les feuilles de bananier. Alors, quand ça tombe, ça ne fait pas trop mal. Okay? Alors, ceux qui ont subi le plus de tort, ça a été ceux qui vivaient dans de belles grosses maisons en ciment, 2, 3 étages, 4 étages. Et puis, mais c'est ça, lorsqu'il y a des événements comme ça, c'est sans exception. Le riche comme le pauvre devient victime. Donc, certains croyants, d'ailleurs on l'a entendu, certains croyants, lorsqu'il arrive des événements comme ça, certains croyants vont affirmer que c'est une punition de Dieu, et d'autres que le diable, hein, s'en est mêlé. Il y a justement un prédicateur américain, du nom de Pat Robertson, hein, qui a fait le lien que ce séisme était une punition, hein, de Dieu, ou enfin, parce que les Haïtiens auraient, en 1804, fait un pacte avec le diable, pour être délivré du joug des Français. Et puis, donc, maintenant, c'est une conséquence. Je dirais que ce sont des âneries. Hein? Des gens qui... Hein? C'est ça. Les incroyants, tant qu'à eux, vont en profiter pour dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'ils vont dire, comment un être parfait pourrait laisser se produire de telles catastrophes. Comment est-ce qu'un Dieu parfait, un Dieu bon, pourrait se laisser produire de telles catastrophes? L'auteur, Jacques Gauthier, va dire, « Si leur foi en Dieu peut être assez vivante pour tirer du bien dans ce qui est mal, cela ne veut pas dire que le mal peut être un bien. Dieu ne se sert pas du mal à des fins pédagogiques. » Car le mal ne serait plus mal et Dieu en serait indirectement l'instigateur. Non, le mal est mal. Je pense qu'il cite quasiment Lito Basset. Hein? Lorsque Lito Basset va dire, le mal, c'était ce qui fait mal. C'est simple de même. Hein? Le mal, c'était ce qui fait mal. Alors, un séisme, un tremblement de terre, ça fait mal. Alors, c'est le mal. Dieu est Dieu et nous avons le droit de nous révolter devant le mal, de ne pas nous résigner pour que la justice triomphe, comme l'a si bien montré Albert Camus. C'est la vie qui est plus forte, non le mal. Lorsque je disais cette citation, ça me rappelait un passage du Chac. On en a parlé, hein, on en a parlé dans l'étude inductive qu'on fait le mercredi où on partage sur le chat. À un moment donné, papa, hein, Dieu, qui dans le chat a la forme d'une femme, d'une grosse maman, hein, afro-américaine, et puis mais c'est Dieu le Père, en maman, hein? Et puis, papa va dire, parce que justement, Marc, hein, qui était le personnage central du livre, dont sa petite fille a été violé, assassiné, hein, il vit un drame. Et puis, donc papa va lui dire cette belle phrase. « Mac, le fait que je tire un bien incroyable d'insoutenable tragédie ne signifie pas que j'orchestre ces drames. » Arrêtez-vous pour y penser. J'ai déjà cité Romains 8, 28 à l'apôtre Tournier, hein, qui dit que Dieu collabore en tout au bien de ceux qui l'aiment. Et non pas toute chose concourt au bien. Ce n'est pas la chose qui est bonne. Mais c'est Dieu qui collabore avec nous. Alors, dans les malheurs, dans les mauvaises choses, dans les mauvaises circonstances, des mauvais événements, Dieu peut en tirer quelque chose de bon, mais ce n'est pas parce qu'il peut en tirer quelque chose de bon que ça veut dire que c'est lui qui a orchestré la tragédie. Hein? On suit? Ne va pas croire que si je me sers d'une tragédie, cela signifie que je l'ai provoquée ou qu'elle est indispensable à mes desseins. Tant tu te tromperais beaucoup sur mon compte. La grâce ne dépend pas de la souffrance pour exister. Mais là où il y a la souffrance, tu trouveras plusieurs facettes et plusieurs nuances de la grâce. À l'émission, les actes que j'écoute, c'est l'heure du midi, parce que je profite de l'heure du midi en mangeant pour écouter l'émission des actes, animée par Simon Durivage. Sur RDI. Et puis, dans la semaine après le séisme, dans les jours après, là, ton suivi, il y avait un téléspectateur qui faisait parvenir un email à l'émission. Parce que le thème de l'émission était à savoir est-ce que les bulletins de nouvelles en continu, hein, comme sur RDI, puis CNN, puis... des postes comme ça qui répètent la nouvelle. À un moment donné, il y a des téléspectateurs puis des auditeurs qui se plaignaient que les médias en parlaient trop. Tu sais, c'était comme trop, c'est comme passé. Donc, les téléspectateurs se plaignaient de dire, « Y a-t-il d'autres nouvelles dans le monde que le séisme en Haïti? » Et puis donc, il y a un téléspectateur qui envoie un email. Parce que un des journalistes qui se défendait, qui défendait RDI, disait que le rôle de RDI est d'expliquer, non seulement d'informer, mais aussi d'aider les gens à comprendre l'événement. Et le téléspectateur, donc, il envoie un email, puis il écrit qu'il n'y a rien à comprendre au séisme d'Haïti, mais uniquement à être informé. Il exprimait que le tremblement de terre est dû à une faille d'ordre géologique. C'est tout. Réalité d'une faille qui ne disparaîtra jamais. Elle est là. Et puis un danger, ça va se répéter encore. Alors, pour lui, c'était comme, essayez pas de comprendre. C'est pas Dieu, c'est pas le diable, c'est pas... Il y a une faille. C'est une réalité géologique. Elle est là. Mais il y a plus, du moins dans la situation du séisme en Haïti. Il y a aussi le péché de l'homme. Et par péché, je m'explique. Okay? Si on entend par péché qu'on passe à côté du but, hein? C'est ça le péché, hein? Amartya, passer à côté, manquer le but. Est-ce que nous, comme humains, est-ce que l'homme, comme humain, est-ce qu'on est porté à passer à côté du but? On manque le but souvent. James, hein? Souvenez James César. J'ai lu, hein? J'avais lu son courriel. Puis James qui a passé deux jours sur les décombres. Et puis... il ne sait, sait toujours pas si, si sa jambe est fracturée ou non. Enfin, je n'ai pas eu de nouvelles de lui cette semaine. Mais dans ce courriel, il écrivait, puis je le cite, parce que, hein, il a passé 2 jours. Imaginez 2 jours, mais imaginez aussi d'autres personnes qui ont passé 2 semaines. Hein? Ils ont trouvé quelqu'un cette semaine là, qui a passé 2 semaines. Imaginez-vous 15 jours dans des détombes et pas savoir. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que quelqu'un va venir me chercher? James a dit ceci. Je m'accroche à l'idée que Dieu n'y est pour rien. Parce que James se pose des questions. Et je dirais peut-être que James se pose plus de questions que d'autres parce que James a été élevé ici au Canada. Puis il n'a pas le même, peut-être le même, comment je pourrais dire, le même, je dirais en anglais, outlook, n'a pas le même regard que peut-être les Haïtiens qui ont toute la culture haïtienne d'Haïti. Alors, James se pose une question, parce que pour lui, le fait qu'il a vécu ça, là, il dit, je m'accroche à l'idée que Dieu n'y est pour rien. Quand il est amour, je ne peux pas croire que Dieu est derrière ça. Mais en même temps, ça insinue qu'il a pensé que Dieu était derrière ça. Je ne peux pas croire que Dieu est derrière ça, parce qu'il est amour. Et que nos péchés sont responsables de tout ce que nous vivons. Mais pasteur Jean, lorsqu'on a vécu ce que je viens de voir, on se demande. En fait, il y a un questionnement, James a un questionnement. Je lui ai répondu par email, puis le péché de l'homme. Je m'explique. Parce qu'un écrivain haïtien, putain, quand j'ai lu ce email de James, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai dit, James, qu'est-ce que le péché vient faire là-dedans? C'était ma réaction. James, qu'est-ce que le péché vient faire là-dedans? Mais ensuite, j'ai lu un article dans Le Devoir d'un écrivain haïtien, un psychiatre, le 21 janvier, qui a écrit son article. Puis, il va dire ceci. Je pense que j'ai la citation. Oui. Or, le désastre n'est pas naturel. Maintenant, voyez-vous, moi, j'ai mis entre parenthèses, j'ai ajouté des mots. Alors, ce qui est en parenthèse, c'est moi qui ajoute. Parce que là, s'il dit, or, le désastre n'est pas naturel, moi, je dirais, le désastre n'est pas uniquement naturel. Il est quand même naturel, le désastre. Mais c'est parce que lui veut faire ressortir un autre aspect, l'aspect que James parle, le péché de l'homme, la faute de l'homme. Parce qu'il va dire, il est humain. Moi, je dis, il est aussi humain. Il se loge dans la négligence du réel, construction anarchique, mépris des normes parasismiques, densité insupportable de la population et avilissement écologique des bassins versants. Faut voir où est-ce que les gens bâtissent des maisons. Tu comprends? Moi, j'ai vu des maisons au Cap-Haïtien, bâties là, sur le bord d'une falaise. Et je disais à Jacques, gentil titan, qui était un haïtien qui travaillait avec moi, puis je disais, un de ces jours, il va y avoir une pluie torrentielle, puis ces maisons-là vont tomber. Ce ne sera pas Dieu. Ce ne sera pas le diable. Mais ça va être l'humain. L'humain qui met en péril sa famille aussi, parce qu'il y a des enfants dans ces maisons-là. C'est ça que l'auteur relève ici, là, en disant le séisme n'est pas seulement naturel, mais il est aussi humain par le péché de l'homme, par le fait que on permet certaines choses, soit par désordre, par avidité. Il y a un tas de raisons. Il continue en disant, ce dédain du réel est ultimement l'expression d'une résistance têtue et d'une énergie incontrôlable qui engendre une activité ininterrompue. Les gens marchent, boivent, achètent, s'écartent, se baissent, pavanent, prennent des tap-tap en marche. Il est impossible de convaincre les passants, véritable machine humaine, de s'arrêter, de renoncer à leur toute puissance. Pourtant, il faudra bien procéder à une évacuation des villes sinistrées pour pouvoir les reconstruire. Il y a une réalité. Le problème de la souffrance, le problème du mal. Deux choses. Bon, il y a deux choses, ayant tout dit ça. Hein? Il y a deux choses que j'aimerais vous transmettre ce matin. Pourquoi de telles séries qui causent tant de misère? Tout le problème de la souffrance et du mal. Les gens se sont penchés sur le problème. Des livres ont été écrits. C.S. Lewis a écrit un bon. Si vous voulez lire un bon livre là, sur la souffrance, le mal, C.S. Lewis. Aussi bien que Lita Bassett. Prochaine. Je vais juste résumer la pensée de Lita Bassett. Lita Bassett va dire dans son livre Le pardon originel. Elle parle du fait que ce n'est pas le péché qui est originel, c'est le pardon. Parce qu'avant même de créer, Dieu savait et j'avais déjà décidé de pardonner. En fait, ce n'est pas le péché qui vient en premier, c'est le pardon. Lita Bassett va dire que, parce qu'elle a écrit un livre justement là, sur le mal, parce que le pardon originel, le livre porte sur le problème du mal. Puis elle dit qu'elle a lu, hein, elle a lu, puis elle cite tous les grands ouvrages, les grands philosophes, les grands auteurs, Aristote, puis qui ont écrit sur le problème du mal. Puis personne n'est arrivé à trouver l'origine d'où vient le mal. Et Lita Bassett va dire, il faut peut-être moins se poser la question d'où vient le mal. Il faut peut-être cesser de chercher l'origine et plutôt chercher à voir comment que le mal, enfin, donner un sens à l'expérience du mal. Lorsqu'on vit le mal, lorsqu'on est celui qui subit le mal, telle expérience que nous en sortons de cette problématique-là, de ce mal-là. Donne sens à l'expérience du mal. Hein, se réorienter. On ne cherche plus l'origine du mal, mais la fonction du mal dans l'existence. Qu'est-ce que le mal produit dans notre expérience humaine? Albert Schweitzer. Les citations vont se retrouver sur l'Internet. Hein, sur, merci à Daniel d'ailleurs de mettre chaque semaine sur l'Internet les partages. En fait, ces citations-là vont être sur le blog de la communauté. Albert Schweitzer dit ceci. Cependant, si occupé que je fusse du problème du mal et de la souffrance en ce monde, je ne me suis jamais perdu en méditation mélancolique à ce sujet. Pourtant, il était confronté au mal. Hein? C'est un médecin qui soignait, qui était en même temps missionnaire, médecin en Afrique. Et il a vu le mal sous toutes ses formes. Puis il dit, je ne me suis jamais perdu en méditation mélancolique. Je me suis attaché à l'idée qu'il était donné à chacun de nous de faire cesser un peu de cette souffrance. D'où vient le mal, mais vient le mal, comment est-ce que je peux soulager? Comment est-ce que je peux me mettre maintenant à soulager la souffrance? Je suis pessimiste aussi quant à la situation actuelle du monde. Je n'arrive pas à me persuader qu'elle soit moins mauvaise qu'elle ne paraît. Et cependant, je demeure optimiste. J'ai conservé la foi que j'avais dès mon enfance et dont je suis sûr qu'elle ne peut se perdre. En vérité, j'ai confiance que l'esprit né de la vérité a plus de puissance que la force des circonstances. C'est bien dit, hein? Comment comprendre? Comment comprendre le mal, la souffrance? Il y a quelques années, j'ai un prédicateur américain que j'aime bien. J'aime pas tout ce qu'il dit, mais parfois il vise assez juste. Robert Schuller. On l'appelle le prédicateur de la pensée positive, hein? Et c'est bien d'être positif. S'il te plaît. Puis, dans une émission où il parlait justement du mal, je pense que c'était après le tsunami. Il avait dit cette phrase qui m'avait marqué. « People who are afraid of hell look for religion. People who go through hell look for God. » Il manque un mot, excusez. « Look for God. » Les gens qui ont peur de l'enfer cherchent une religion. Pas vrai? Les gens qui ont peur de l'enfer cherchent une religion. Tu vas les sécuriser. Mais ceux qui passent par l'enfer cherchent Dieu. J'ai un autre ami qui a Port-au-Prince. Gino. Et puis, lui m'a inquiété parce que je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant, pas avant la deuxième semaine. Et puis, finalement, j'ai pu lui parler sur Internet parce qu'il était dans un café, je pense que c'était chez un ami. Fait que, là, je l'ai vu, hein, j'ai vu sur MSN son nom apparaître. Alors, tu fais, Gino, tu es sain et sauf. Fou, hein, t'es vivant. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui se serve de son MSN. Fait que Gino est quelqu'un de, comment je pourrais dire? Il croit en Dieu. Il fréquente une communauté, pas assidûment, mais il fréquente une communauté. Puis, mais il n'est pas porté sur la chose, disons, hein, sur Dieu, trop. Hein. C'est comme, oui, Dieu, mais c'est ça. Hein. Fait que, j'utiliserai pas le mot qu'on se sert, on va dire, ah ben, il n'est pas tellement spirituel, lui est spirituel, parce que ça n'a pas rapport. Seul Dieu sait, seul Dieu connaît la spiritualité de Gino. Mais je sais que Gino, c'est pas le genre à parler de Dieu, puis avoir tout le temps Dieu dans sa bouche, puis, hein, c'est pas le genre pour tout. Hein? Mais, lorsque je lui dis, Gino, tu es sain et sauf? Ah oui, tu me réponds. Et c'est grâce à Dieu, en majuscule. Hein? Et c'est grâce à Dieu. Ah, Gino trouve que c'est une grâce de Dieu. Fait qu'il est pas en train de blâmer Dieu pour le tremblement de terre. Parce que c'est ça que je me demandais. Je me suis dit, Gino, c'est le genre d'événement qui peut le détourner de Dieu. Comme ça peut le rapprocher de Dieu. Elle me dit, c'est grâce à Dieu. Jack, c'est du jamais vu pour Haïti. Dieu m'a protégé ainsi que les miens. Là, c'est plusieurs phrases. Hein, c'est... Entre-temps, moi, je réponds. Puis, hein? Fait que, j'ai éliminé mes réponses. Dieu m'a protégé ainsi que les miens. Il reconnaît que Dieu l'a protégé. Il dit, et je ne remercierai Dieu jamais autant. C'est là, hein, je cite sa phrase tout le temps qu'il a écrit. Et je ne remercierai Dieu jamais autant. Est-ce qu'il veut dire, je ne pourrai jamais assez remercier Dieu de m'avoir gardé dans cet événement. Sauf peut-être que je suis traumatisé. C'est tellement choquant. On sent parfois la terre trembler, même si elle ne tremble pas. Hein? Il y a un traumatisme. On sent la terre trembler, même si elle ne tremble pas. On se demande quel espoir pour ce pays qui maintenant est presque à son échéance. Hein? Écrasé. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Voilà. je pensais, lorsque je réfléchissais justement à cela, je pensais à un principe que j'ai appris il y a très longtemps. Dans un séminaire, dans le temps, ça s'appelait « Les principes de vie » par Bill Daughtry. Et puis, Bill Daughtry se servait d'un verset du psaume 26, verset 17. Maintenant, je vais vous lire le psaume. Peut-être que vous allez vous dire, mais ça n'a pas rapport, genre. Ça n'a pas rapport. Qu'est-ce que tu vas chercher, là? Mais je vous le cite, parce que de ce verset se dégage un principe. Le Proverbe 26, verset 17 dit, « Vous mêlez d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles. » Ce que Salomon est en train de dire, c'est que s'il y a une dispute ou un différend entre deux personnes, Jules a un différend avec Daniel Perron. Okay? Ils se disent des gros mots. Moi, si j'interviens dans cette dispute pour prendre la défense de Jules, ou bien donc pour celle de Daniel, un ou l'autre, mais je prends la défense d'un des deux. Là, ton offense, Daniel t'a offensé, je prends ton offense sur moi. Et là, j'en veux à Daniel. Alors, le proverbe dit, c'est comme quelqu'un qui s'est mis dans une querelle où il n'a pas à faire là. C'est comme un homme qui saisit un chien par les oreilles. Il va se faire mort. Le chien va se tourner de bord. De ce proverbe, parce que le proverbe, il y a des principes qui se dégagent des proverbes. Ce que le proverbe est en train de dire, c'est que, et ça se vérifie, que une offense subie par quelqu'un, la personne qui subit l'offense va, si c'est un disciple de Jésus, si c'est un croyant, on s'entend que si tu es un croyant, tu es un chrétien, tu subis une offense, Dieu va te donner la grâce du pardon, la grâce de la réconciliation. Ça m'est arrivé, puisque j'ai pris offense pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avait fait un tort à un ami. Maintenant, si je suis votre ami, je le suis pour la vie. D'accord? Puis, si quelqu'un touche à mes amis, c'est plus grave que si vous me touchez à moi. On s'entend? Parce que là, c'est des gens qui avaient fait un tort, un grand tort à un ami, que j'estimais beaucoup, un mentor même. C'était un mentor. Et puis, j'ai pris sa défense. Et en plus de prendre sa défense, j'ai cultivé dans mon cœur le ressentiment envers les gens qui lui avaient fait du tort. Et j'ai même risqué de mettre fin à des amitiés parce que je me tenais en faveur de cet ami. Je prenais sa défense. À un moment donné, il me dit que il a revu ces personnes-là. Ils sont allés manger ensemble, puis etc., etc. Puis là, j'ai dit, il s'appelait Roger. Je vais donner seulement le prénom, pas de nom de famille. Roger! Qu'est-ce que tu as fait, là? Tu es allé te réconcilier avec eux, mais voyons donc, après tout le mal qu'ils t'ont fait. Oui, mais genre, il faut pardonner. Voyez-vous, dans l'offense, lui avait reçu la grâce du pardon. Moi, je n'avais pas la grâce du pardon, parce que ce n'était pas mon offense à moi, ça. J'ai pris offense pour quelqu'un d'autre. Je n'avais pas la grâce. Quand Paul va dire, dans 2 Corinthiens 12, là, il va dire, il passait par des épreuves, puis il va dire, que là, s'il priait le Seigneur pour que cette épreuve s'en aille, puis que le Seigneur avait répondu, « Ma grâce te suffit. » Celui qui passe par l'épreuve, là, le principe que je veux dégager par là, c'est que ceux qui passent par l'épreuve, bien souvent, et ça se vérifie, Nicole, hein, n'est-ce pas? On l'a vu à la télévision, on a vu comment les gens louaient Dieu. Les gens chantaient, puis même les gens qui étaient sur les décombres priaient, puis chantaient. Et les gens là, qui vont dire, « Ben, si Dieu existait, là, ben, il ne permettra pas des choses pareilles. » Ben, c'est justement les gens qui n'étaient pas dedans. C'est les gens qui n'étaient pas dans l'épreuve. Parce que les gens qui ne passent pas par cette épreuve n'ont pas la grâce que les gens qui sont dans l'épreuve reçoivent de la part de Dieu. De pouvoir, au travers de l'épreuve, de louer Dieu, d'être reconnaissant à Dieu. Comme Gino, qui dit « Je ne serai jamais assez reconnaissant à Dieu. » Ça, c'est un principe. Que, plus souvent qu'autrement, lorsqu'on voit des tragédies, des catastrophes qui arrivent, les gens qui vivent la catastrophe vont avoir moins de problèmes, ils vont avoir plus de résilience, hein, on parle de résilience, ils vont rebondir, alors que nous, on est là pour dire, mais c'est pas possible. Il y a eu des circonstances, il y a eu des événements, parce que, hein, je veux dire, je frappais le mur, littéralement. Ouais! Dieu! Pourquoi? Hein? Je ne sais pas, ou bien des proches qui étaient, hein, qui étaient atteints de maladies, puis un accident. Je me souviens, je termine avec ça. Okay? Je me souviens de lorsque j'avais eu un accident d'automobile, il y a très longtemps. Hein? Et puis, en ce moment-là, je m'occupais, j'étais le directeur de la jeunesse pour tout le Québec, pour la dénomination dans laquelle j'étais, pasteur. Et puis, en fait, je travaillais beaucoup avec les jeunes. J'étais moi-même jeune. J'avais peut-être 25, 26. Puis, vous arrivez en temps. Puis, là, si j'avais eu cet accident automobile, puisque hein, j'ai rasé de laisser ma vie. Puis, il y a des amis, hein, des gens qui disaient, hein, que t'étais révolté contre Dieu. Jean, pourquoi ça t'est arrivé? Pourquoi toi? Et je répondais, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et puis, là, ce que les gens disaient, mais Jean, pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas protégé? Ou pourquoi? Je disais, mais je rends grâce à Dieu pour toutes les fois où il m'a protégé. Qu'est-ce qui arrivait? C'est moi qui avais l'épreuve. Et Dieu me donnait à moi la grâce. Tandis que ceux qui étaient observateurs de mon épreuve, eux rageaient, hein? Eux étaient révoltés. Parce que ce n'est pas eux qui passaient par l'épreuve et qui avaient la grâce de Dieu. Donc, voilà. En concluant. Rappelons-nous que nous avons tous un rendez-vous avec la mort. D'une façon ou d'une autre. Oui, il y a 200 000 morts. Il y en avait eu 200 000 aussi lors du tsunami. Ah, il y a des tragédies humaines, hein? Tous les jours. Ah, on a tous rendu votre la mort, d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être une autre façon de voir, une autre peut-être même, une façon plus philosophique de voir la chose, mais on a tous un rendez-vous, d'une façon ou d'une autre. Alors, que Dieu nous aide. Et souvenons-nous de ces personnes éprouvées encore en Haïti. C'est pas fini. Hein? Mais je voulais faire un retour sur ces événements-là. Juste afin que, si on est troublé, hein, pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? Bon, on a quelques pistes, hein, de réflexion qu'on a vues ce matin. Puis un principe entre autres. Que ceux qui passent par des preuves ont une grâce que nous n'avons pas. Alors, il faut faire attention de ne pas pointer le doigt à Dieu parce que nous n'avons pas reçu cette grâce de porter cette souffrance. Ben, ce n'est pas nous qui passons par la souffrance, c'est eux. Et Dieu leur donne une grâce. C'est pourquoi ils peuvent louer Dieu, remercier Dieu au travers de l'épreuve. Que Dieu vous fasse du bien, Jules. Ouais. Jules mentionne là où le péché abonde, la grâce surabonde. Bien dit, Jules.